La Guinée équatoriale, c'est un petit paradis en Afrique centrale. C'est clair. Quand vous regardez la Guinée équatoriale, ils n'ont rien envie à Dubaï. Ils ont des très belles cités. Mongomo, Ebebeïne, Malabo, Bata. Les villes en Guinée équatoriale se comptent comme dans les champignons sur un morceau d'arbre. Donc, les Équato-Guinéens ont un président visionnaire qui a travaillé, qui a apporté le développement. Quand il prenait la Guinée équatoriale en 68, c'était un bout de terre qui n'était enviable par personne. Abandonné par l'Espagne. L'Espagne même avait foutu le camp. Ils avaient compris que c'était un morceau de terre qui n'était pas exploitable. Le président équato-guinéen, le président Obiangema, il a supporté une humiliation internationale. Il s'est déplacé avec les avions, il demandait les avions, il empruntait les avions chez ses confrères de la sous-région. Oui. Mais aujourd'hui, quand il a découvert le pétrole, il a fait de ce pays un havre de paix, un îlot de bonheur. Il a développé ce pays et des imposteurs comme Severo Moto, qui n'ont jamais vécu en Guinée équatoriale plus de 20 ans, ils ont toujours mis tout leur temps à l'étranger, veulent aujourd'hui récupérer ce pouvoir de manière tout à fait malsaine, avec des méthodes détournées en utilisant les attentats et les coups d'État. Ce n'est pas une situation qui devrait être encouragée. Les services secrets équato-guinéens ont travaillé avec les services secrets soudanais, ont attrapé des terroristes. Un des terroristes est mort en Guinée équatoriale. Ouais. Et les Africains, chaque fois que vous tombez sur cette actualité, retenez-le. C'est un terroriste qui est mort en prison en Guinée équatoriale. Le Parlement européen veut adouber le terroriste en présentant cette affaire comme étant une affaire d'opposants politiques qui seraient morts, torturés dans les prisons de Guinée équatoriale. Afrique Média, le monde, c'est nous.